Bonsoir, on est le 20 mai 5 2014 et le 20 Iyar 5774, et ce cours est pour l'Ilut Nishmat de Rosalie Batourida, de la Rifoshelma de Nissim Ben Aviva, de Yael Bat Rosalie, de Noam Menachem Ben Ruth. Et Bezat Hashem, on est en direct de MTC Montréal avec le Rav Maimon Pito qui va nous parler de la paracha de Bamidbar. Bonne soirée à tous. On va commencer avec la paracha. Vous parlez français, hein? Ok. On va commencer avec la paracha. Dans la paracha, on trouve une mitzvah très intéressante. Hein? Paracha Bamidbar. On commence avec le livre de Bamidbar. Paracha Bamidbar, on parle de compter le juif. Et c'est une mitzvah de compter les juifs. On commence tout de suite quand on commence avec la paracha. On commence avec Reuven, il y avait tant et tant, Shimon, Reuven, etc. Maintenant, les commentaires, ils demandent c'est quoi exactement? C'est quoi le point de compter quelqu'un, de compter les juifs? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette mitzvah? Non seulement c'est juste, ça peut être un fait, ok, on compte les juifs pour savoir combien ils sont, etc. Mais étant une mitzvah qui est ordonnée aussi à Moshe, et qui est commandé aussi à Aaron. D'ailleurs, on n'a jamais trouvé ça. Eh bien, Israël, ils étaient comptés pendant toutes les générations 9 fois. 9 fois. La 10e fois, ça va être Melech HaMashiach qui va les compter. Qui va prendre ce... Oui. En anglais, on dit ça, c'est recensement, c'est ça? Recensement, oui, c'est ça? En anglais, c'est census. En français, c'est recensement, c'est ça? Recensement. En tout cas, alors le Rashi sur le commentaire, sur le pasouk, il dit qu'à chaque fois que Hachem, puisqu'il aime les juifs tellement, il a un amour envers les juifs, alors à chaque fois, il les compte. On trouve qu'après Cheta Egel, oui, après le péché du veau d'or, Hachem, il a compté les juifs parce qu'il y avait une magifa, il y avait une... beaucoup de juifs sont morts. Ils étaient aussi tués par Mil Hashem Ela. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, tout cela qui veut prendre vengeance de tous les gens qui ont participé dans le veau d'or, ils ont été tués. Oui, le commentaire il dit que la plupart des gens qui ont été tués, c'était des Erev Rav. En tout cas, alors Rashi sur place, il dit que la raison pourquoi Hashem y compte, Mishum Chibatam chez l'Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime les juifs, à chaque fois, il veut les compter. Une autre opinion qui s'est rapportée, que Akadosh Baruch Hu, il veut échorer la Shekhina. Vous savez très bien que pour dire quelque chose de Gdusha, la Gemara dans Maaser et Megillah, elle dit que pour dire d'avoir chez Begdusha, Kaddish, ou Barichou, ou Chazarat Hashas, il faut avoir 10 personnes. Alors, quand est-ce que exactement Akadosh Baruch Hu il compte les juifs? Maintenant, c'est paracha, ça se passe quand exactement? C'est un an après la sortie d'Égypte. C'est la deuxième année après la sortie d'Égypte. Oui? C'est après la deuxième année après que les peuples juifs sont sortis d'Égypte. C'est le mois de Iyar. N'oubliez pas que la deuxième année, c'est en compte de Nissan aussi. Parce que les années, ils sont comptées de Nissan. Oui, l'année. Alors, le deuxième mois de, excusez-moi, de la première année, le deuxième mois de la première année de la sortie d'Égypte, le deuxième mois c'est quoi? Chodesh Iyar. Oui? Alors, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, les peuples juifs, ils ont construit le Mishkan. Le Mishkan a été construit quand? Rosh Chodesh Nissan. Le premier jour de Nissan, ils ont mis en place le Mishkan. Un mois plus tard, Rosh Chodesh Iyar, Akadosh Baruch Hu, il compte le peuple juif, il fait un recensement, Moshe, il compte le peuple juif, il fait un recensement, etc., pour voir combien de juifs il y a. Pourquoi? Les commentaires, ils disent, parce que pour avoir la Shekhina, que Akadosh Baruch Hu, il amène la Shekhina sur le peuple juif, il faut avoir un certain nombre de juifs. D'ailleurs, c'est très intéressant. D'ailleurs, la Torah a été donnée, oui, jusqu'quand le peuple juif est arrivé à un certain nombre de juifs, à l'âge de 20 ans et plus, oui. Mais la Torah elle-même, 600 ribo, Ouais, ils sont arrivés à un nombre de 600 000. Bon, la Maseret Sota, c'est écrit, c'est 603 052 juifs, il y en avait, à l'âge de 20 ans et plus. C'est jusqu'à ceux qui sont arrivés à ce nombre-là que il y aurait pu avoir une Shekhina qui peut résider dans le peuple juif. Alors, ça c'est la deuxième opinion, pourquoi on a besoin de compter. Hachem voulait voir, entre autres, les commentaires dire si on pouvait avoir l'Ashra de la Shekhina. Dans Maseret Megillah, c'est rapporté le din de dire quelque chose Bekdusha, de dire quelque chose de sainteté comme Kaddish, Barichou, etc. La Gemara a dit là-bas qu'il faut avoir au moins 10 personnes. Mais c'est une question, est-ce que ces 10 personnes doivent être dans un cas qu'ils n'ont pas prié encore? La Gemara là-bas, c'est intéressant que la Gemara elle apprend qu'un tzibour, oui, pour être un chalir tzibour, on dit un chalir tzibour. Qu'est-ce qui est considéré un tzibour? 9 plus 1 plus 2. 10 personnes. Un tzibour, généralement, c'est 10 personnes. 10 personnes. Comment est-ce qu'on sait que tzibour c'est 10 personnes? On l'apprend de. C'est intéressant, comment on apprend. Pour dire quelque chose de Gdusha, on l'apprend des Meraglim. Mais ils étaient 10. Hein, ils étaient 10. Ils n'étaient pas 10, ils étaient 12. Vous avez tort. Et la Torah, je vais vous expliquer, parce qu'on a pris un de chaque tribu. Oui, on a pris. Combien de tribus? Il y a 12. La Gemara là-bas, elle dit, et la Torah, dans le verset, elle dit Admata la Eda Ra'a Azot. Une Eda. Un tzibour, non, c'est pas Edim, une Eda, c'est un groupe, un tzibour. Eda, c'est un tzibour. Et combien on avait? Sur qui on avait dit Admata et la Eda Ra Azot? Les 10. Les 10 qui ont excluant les deux qui avaient Tchouva, non? Yeshua Benoun et Caleb Ben Yefouné. Only the negative ones is 10. C'est très intéressant. Pourquoi? Pour dire quelque chose Bekdusha, on l'apprend d'Afka de Meraglim. La Gemara, elle ne rentre pas dans ce détail, mais la Gemara, elle apprend là-bas la source pour dire quelque chose de Gdusha, il faut avoir 10 personnes. Il y a un din maintenant, si 6 personnes n'ont pas prié, on sait très bien qu'on va dans un minyan, par exemple, on cherche toujours, est-ce qu'il y a 6 qui n'ont pas prié, 6 qui n'ont pas prié. 6 qui n'ont pas prié, il n'y a pas une ma'ala de tfila betzibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar, il dit Akol be asara shrinta sharia. Akol be, où il se trouve 10 personnes, 10 juifs, shrinta sharia. La Shekhina réside. Quand il y a 10 juifs, automatiquement il y a la Shekhina qui vient. C'est quoi sharia? Sharia, c'est le réside. Réside. Resign. It's interesting that they use that for the Muslim use Sharia. Sharia. Yeah, for the law. But what does it mean, Sharia? It means law. Sharia. Sharia. Yeah. It's also a modern. It's also un mot en hébreu. Ishrot. Yeah. Ishrot. They took it. Just like Hamas, they took. Hamas is also. What does it mean by that? Je ne sais pas ce que ça veut dire Hamas en arabe. C'est un acronyme. Pour quelque chose, non? Hamas pour nous, c'est la violence. Anger, it's violence. But it's interesting that they use it there. Je vais répondre. Non, Hamas, c'est juste un acronyme. So we know what it is. C'est un acte. C'est racheter votre genre. Chet. Sama. Armée de salut islamique. Ah, ok. Très bien. Militants armés. Mais on a pas. Bon, en tout cas, alors le Zohar, il dit pour 10 personnes, pour qu'il y ait la Shekhina, il faut avoir 10 personnes. Mais maintenant, quand ça vient à la Tfila elle-même, il faut avoir un digne de Tzibour. Ça veut dire que pour avoir la Ma'ala de Tfila Betzibour, la Gemara, elle dit En akjbokhou mo es betfilatam shel Tzibour. D'ailleurs, je disais, tout le monde a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir des rabbins pour des brachotes. qui vont aller voir des tzadikim et tout. Mais il y a une etza dans la Gemara, une suggestion que la Gemara suggère quoi faire. La Torah, la Gemara elle-même, elle dit En akash bochou mo es betfilatam shel hatzibur. Qu'est-ce que ça veut dire En akash bochou mo es betfilatam shel hatzibur? Ça veut dire que la tfila du tzibur, elle est toujours entendue. Et la Gemara, elle explique là-bas. Quand une personne, elle prie tout seul, alors, Mina Shamaim, des cieux, on voit si la personne, il a des mérites, il n'a pas des mérites. Oui, parce qu'à la fin de la journée, la prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est de prier, on demande à Hachem qui nous donne. Les trois premières brachot, on dit, c'est les louanges de Dieu. Oui, on dit, Magen Abraham, Chayam Etim, Atakadosh. Démontrant comment Hachem, il est sanctifié, il est glorieux, etc. Les trois dernières qu'on remercie. La Gemara, elle dit, avant qu'on commence à demander au roi quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On le louange. Takadosh, Shemrakadosh, oui, Shemrakadosh, on sanctifie Dieu, comment on le louange. Après, on demande, c'est quoi la première bracha? Chonen Adat, Gal Israël, Gol Israël, Ashivenu, Tental Ubracha, Refaenu. On demande toutes les choses qu'on a besoin, parce que c'est ça l'ordre. Quand on vient demander à un roi quelque chose, on le louange. Après qu'on le louange, on demande ce qu'on a besoin. Et après ça, on se retire. Modim anachnu lach. On fait trois pas en arrière. Quand on quitte un roi, on ne fait pas trois pas en arrière. On dit modim anachnu lach. Et, ah oui. Alors, en demandant quelque chose, le roi, il doit regarder. La Gemara, il explique. Bon, est-ce que cette personne, elle a un mérite? Est-ce que pourquoi je devrais lui donner? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Mais d'agdekim ima yachid. Que je me crois, il commence à faire un compte avec chaque individu. Mais, concernant la tfila betzibur, on dit un akesh borchou moïs betfilatam shel hatzibur. Akesh borchou répond au schout du tzibur. Il rejette jamais le schout du tzibur. Même que, c'est très intéressant. Moi, comme le Tzibour, il peut avoir des péchés, Israël. Moi, qui sont des gens qui ont, ras de shalom, qui ont des péchés, etc. Mais le Tzibour, il est en train de créer une nouvelle entité. C'est très intéressant. À la fin du shiur, on va retourner sur ce point. Mais pour avoir la ma'ala du Tzibour, de Tfilab et Tzibour, il faut avoir 10 personnes qui n'ont pas prié. Point de vue, je vous parle de point de vue de halakha. 10 personnes qui n'ont pas prié, c'est juste là qu'on a la ma'ala de Tzibour. La tfila de Tzibour, c'est aussi appelé et ratson. C'est un temps de volonté. Alors, s'il y a 4 personnes qui ont prié, mais ils s'assoient dans la place. Chazak. Alors, s'il y a 4 personnes qui ont déjà prié, et il y a 6 qui n'ont pas prié, on peut dire Barichou, Kaddish. Kol davar shebekdusha, chaque chose qui est concernant la kdusha, on peut le dire, mais il n'a pas cette grandeur de tfila betzibur. Il n'y a pas la grandeur de tfila betzibur, avec tous les avantages que ça vient. D'ailleurs, la même chose, comment est-ce qu'on sait que tfila betzibur, c'est tellement grand? Une personne qui se trouve à la maison, il ne peut pas venir à la synagogue. Il est malade, il ne se sent pas bien, etc. Il ne peut pas arriver. Alors on lui dit quoi? Ok, tu ne veux pas arriver, pas de problème. Prie autant que le tzibour, il est en train de prier. Si tu sais qu'il y a un minyan à 8h, prie à 8h. S'il y a un minyan à 7h, et tu veux prier, au lieu de prier 6h45, okay, prie à 7h. Commence avec le tzibour. Ok, s'il y avait 10 personnes chacun dans leur maison, et ils disent à 7h du matin, on fait... Non, ils ne vont pas avoir, parce qu'ils sont toujours... considérés comme chaque individu. Oui. Individuellement. Dans cette façon, ça ne marche pas. Non, bien sûr que ça ne marche pas. Rien que s'il y a un ou deux qui sont malades, c'est ça. Et ça, il va y avoir 10 à la synagogue. Oui, à la synagogue. Okay. Mais ça, c'est aussi a priori. A priori, on devrait toujours prier avec un minyan. Si une personne ne veut pas, alors il est mekaven autant que le tibour. D'ailleurs, c'est une grande question. Est-ce que la qualité ou la quantité, c'est quelque chose de très intéressant, que la quantité elle-même, elle crée quelque chose d'une nouvelle qualité. Ce pouvoir du tzibour, il est en train de créer quelque chose de nouveau. Même que ça se peut qu'en quantité, il n'y a pas d'importance individuellement, mais en qualité, ça va avoir un résultat très très fort. Comme le minyan, etc. Ça devient quelque chose d'autre. Ça devient une nouvelle entité entièrement. C'est ça comment est-ce que le rabbi l'explique. Je vais en retourner sur ce point à la fin du shiur, mais c'est comme ça que le rabbi l'explique tout le inyan de compter. Bon, alors maintenant, ça c'est la première chose. La dernière chose, une des raisons que c'est ramené, c'est très simple. Hachem voulait compter les juifs pour savoir combien de guerriers il y a. Parce qu'il savait très bien que le peuple juif, ils allaient rentrer en Eretz Israël. Ils allaient rentrer en Eretz Israël. Parce que c'était qui a été compté ? Le recensement était sur les 20 ans et plus. 20 ans et plus. Les 20 ans et plus, c'est les seuls qui allaient à la guerre, à l'armée. Alors pour savoir, puisqu'ils vont monter en Eretz Israël très très bientôt, il fallait savoir c'est qui va être les guerriers qui vont partir à la guerre. Tout simplement, la raison pourquoi. Maintenant, le Ramban, sur la Torah, il explique comment est-ce que les Juifs étaient comptés. On sait très bien qu'on ne veut pas compter les Juifs. Un Juif, on ne veut pas le compter, 1, 2, 3, etc. Alors, on sait très bien que c'était à 1 Shekel. Le Machatzit HaShekel. Alors, Ramban, il explique que le Machatzit HaShekel était une forme d'expiation, on le dit en français. Atonement. Oui, atonement, expiation, c'est comme un... comme une capara. Atonement, expiation, on dit en français, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Alors, il dit, c'est une forme d'expiation que chacun donnait un machatzit à chacun, et on ne le comptait pas individuellement pour qu'il n'y avait pas ce aïnara, etc., qu'on va expliquer pourquoi exactement on n'avait pas le droit de le compter. Mais le juif lui-même devait être compté avec le machatzit à chacun. Ce machatzit à chacun, il venait comme une capara pour enlever, chas de shalom, tout jugement qu'il y avait sur le peuple juif ou sur lui, l'individuel lui-même. Hein? Intéressant. Maintenant, c'est quoi exactement la raison que les commentaires y rapportent? C'est quoi la raison que les commentaires y rapportent? Pourquoi on n'avait pas le droit de faire un recensement sur le peuple juif? Alors, tout simplement, c'est quelque chose de Aïnara. Aïnara, on avait parlé aussi la dernière fois avec les élèves de Rabbi Akiva qui sont arrivés à un chiffre tellement nombreux. Dans un petit village. Oui, le Zohar, il rapporte toute une histoire avec 24 caravanes qui sont entrées dans une ville. Et de ces 4 caravanes, le Zohar, il amène que ces 24, le chiffre 24, il représentait les 24 degrés de Touma, etc. Des choses de kabbalistique. Et c'est pour cela quand les élèves de Rabbi Akiva sont arrivés à un numéro de 24 000, c'était la cause principale pourquoi ils sont morts. Parce qu'une grande question qu'on avait demandé, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fait quoi? Ils se sont pas respectés. Est-ce que ça mérite la mort? Non, certainement pas. C'est leur niveau. C'est ça. Ils étaient à un tellement haut niveau qu'ils sont arrivés aussi à un chiffre qu'a amené Chas Shalom des dinims, un jugement sur eux. Alors ça, c'est la première raison pourquoi on n'a pas le droit de compter, de faire un compte du peuple juif, pour ne pas amener des dinims sur le peuple juif lui-même. Le Yafet Tohar, il ramène une autre chose aussi très intéressante. Il dit que le peuple juif, la nation du peuple juif, est considérée comme un âme. Oui. Oui, non. Hein? Mais non. Comme? Non, une âme. Ah, une âme. Okay. Une âme. Considérée comme une âme. Maintenant, quand ils sont connectés, ils sont unis, ils sont connectés à leur source, qui est une seule âme, l'âme de Adam Arishon. Assez intéressant que l'Admor HaZaken, d'ailleurs, entre parenthèses, il rapporte qu'il y a des âmes qui viennent juste de temps en temps, très rarement, et ces âmes-là, ils sont appelés des Neshama Chadasha. Il n'y en a plus. Hein? Il n'y en a plus comme ça depuis un certain temps. Ah, c'est ça. Alors, Neshama Chadasha, mais que ça veut dire Neshama Chadasha? Comment est-ce que vous comprenez Neshama Chadasha? Elle n'a pas fait de Kibbutz ou alors... Alors tout, oui, c'est comme ça que vous comprenez? Correct. Elle a été créée dernièrement. Elle n'est jamais descendue. Elle n'est jamais descendue dans le monde, c'est ça. Qu'elle n'a jamais été. Il n'y avait jamais de Gilgul. Donc elle n'a pas été. Elle n'a pas fait de Gilgul. n'a pas été taché. Pendant les 130 ans. Oui, c'est pas descendu. Que Adam et Jean étaient séparés de sa femme. Alors je vais vous dire exactement. Alors, elle est pure. Est-ce qu'elle est pure dernièrement? Si on dit que un bébé est sorti de, dans le monde, est-ce qu'elle est pure? C'est une Lamborghini 2015. Wow. Chose, hein? Noir. Bravo. Avec des sièges jaunes. Alors, non. Le Shama Khadasha, le Admor Zaken, il a un hyper grand chidouche. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il avait dit sur le Admor Zaken que c'était une Shama Khadasha. Le Baal Shem Tov lui-même avait donné des instructions au Maguide de Mezrich, qui était son élève, comment s'occuper du Admor Zaken, du Baal Atania, quand il vient le voir. Il savait qu'il allait le Baal Shem Tov, d'ailleurs, il ne voulait pas que le Admor Hazaken le rencontre. Parce qu'il a dit à son disciple, c'est ça son disciple, oui. Le Maguide, que la Neshama du Admor Hazaken lui appartient. Et pas au Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il a vu le Baal Atania une fois. À l'âge de 3 ans, il est venu pour couper les cheveux et c'est fini. Pourquoi il ne voulait pas le voir après? Parce qu'il a dit que la Neshama du Admor Hazaken, c'était le Maguide. Le Maguide, c'était le disciple du Baal Shem Tov. Mm-hmm. Et il lui a dit que le Baal Atania, sa Neshama appartenait au Maguide, comme étudiant. Il devait être l'étudiant du Maguide, et pas l'étudiant. Il devait pas être l'étudiant du Baal Shem Tov. Hein. Il avait donné aussi des instructions très précises aux parents. En rapport au mauvais œil. C'est-à-dire, oui. Quand on disait des compliments sur lui, il va très bien. Oui, voilà. Pour le mauvais œil. D'ailleurs, on voit aussi chez le rabbi, hein, que sa mère, elle le cachait énormément quand il était petit. Wow. Parce qu'à l'âge de 3 ans, déjà, il savait lire parfaitement. Il faisait des choses très bizarres. Ben, bizarre pour un enfant de 3 ans, tu vois. C'était jamais un enfant qui jouait beaucoup. Il était avancé. Très avancé. C'était pas un enfant qui jouait beaucoup. C'était pas un enfant régulier. Alors sa mère, elle avait compris qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, chose comme ça, en forme de russe, tu vois, les trucs un petit peu différent. Chose comme ça. Alors, il y a une histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu une fois de Rabbi Eliezer Nanes. C'est une histoire formidable, premièrement. Il a écrit un livre qui s'appelle Sabota. Sabota, en russe, ça veut dire Shabbat. Sabota. Ce Rabbi Eliezer Nanes, il a été emprisonné par les Russes. Et il a été envoyé dans des camps de travail, etc. Pendant 20 ans. Il était à Kastrama, il était en Sibir. Pendant 20 ans, vous pouvez imaginer, Shabbat en Russie, c'était comme un lundi. Il n'y a pas de Shabbat, c'est pas comme ici non plus. Dimanche, on ne travaillait pas, mais Shabbat, c'était un jour régulier. Mais les esclaves, ils travaillaient tous les jours. Oui, 100%, mais incluant Shabbat. C'est-à-dire, il y avait de l'école, même en Russie, il y avait de l'école Shabbat. Mais moi, France, c'est pas comme ici aux États-Unis, c'est la fin de semaine. Oui, place avec mercredi matin. C'est moderne à cause de tout le monde. Oui, je me souviens. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais avant. Mais bientôt, ça va être vendredi aussi avec les Arabes. Oui, mais avant, c'était. Vendredi, il n'y avait pas de l'école, c'est 4 jours par semaine. Les chrétiens, ils faisaient aussi le Shabbat. Oui, bien sûr, c'est connu. C'est juste Paul, c'est Paul qui a changé ça. Non, même, in Canada, in the recent times, it was Saturday, and then they changed it to Sunday. Ah, c'est très possible, très possible. Yeah. Très simple, très possible. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des certains sectes chez les chrétiens qui sont. Oui, franchement, c'est choses comme ça. En tout cas, bref, ce Rabbi Eliezer Nanes, ce que je voulais apporter de toute cette histoire, il a passé 20 ans dans des prisons, il n'a jamais désécré le Shabbat. Waouh, comment il a fait ? Pendant 20 ans ! Mais c'est incroyable. Si vous voulez être inspiré, je vous donne mon avis, c'est une histoire incroyable. de courage. Mais comment j'ai eu des frissons maintenant, juste en parlant, parce que je me rappelle de beaucoup des histoires qu'il y avait là-bas, comment il a passé. Et même le rabbi, il est sorti, hein, il est sorti vivant, il est arrivé à New York et il est parti en Israël. Il habitait à Yerushalayim. C'est un gars incroyable, comme personne, comme personnage. Et quand quelqu'un voulait enregistrer son histoire, il voulait écrire son histoire, le rabbi lui a dit d'enlever beaucoup de choses. Et pourquoi le rabbi lui a dit ça? Il lui a dit qu'une personne, quand elle est dans un état de souffrance, alors elle risque d'exagérer un petit peu. Parce que quand une personne, il passe 2-3 jours de faim, alors il voit des choses de façon très... On ne peut pas imaginer si c'est des illusions, même si c'est des petites choses, tout semble comme une montagne, oui. Alors le rabbi lui a dit ne pas trop mettre des choses parce que les gens ils vont dire qu'il exagère. Mais les choses, même après qu'il a tout enlevé, tu te dis, mais ce gars, premièrement il avait un problème qu'il ne pouvait pas manger, il pouvait manger juste du pain blanc. Parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Du pain blanc, tu ne trouves pas dans les prisons. Et manger du cachère, et manger du patate. Et comment il passe vraiment 10 ans de sa vie. Il raconte que juste à la fin de ces 10 ans, il y avait une histoire qu'il a été envoyé dans un tsinouk. Tsinouk, on dit ça. Tsinouk, non, on ne dit pas ça en français. Non, c'est pas un bon français. C'est bon, j'invente des mots en français, moi. J'ai un inventeur. Tsinouk, c'est quand on passe une semaine d'emprisonnement dans une chambre fermée. Isolation. Voilà, une isolation. C'est ça. Alors, isolation, hein, isolation. Pendant, il a passé une isolation pendant 2 semaines ou 1 semaine avec des autres prisonniers. On leur a donné un bout de pain chaque jour et un petit peu d'eau. Après, quand ils sont sortis, ils voulaient s'en débarrasser de quelqu'un prisonnier. Mais non, juste tuer un prisonnier comme ça, ils ne le faisaient pas parce qu'il fallait rapporter, il fallait écrire rapport, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont sortis, après 2 semaines de ne pas manger, ils leur ont servi un repas d'ici jusqu'à là-bas. Éclatez-vous. Avec du pain chaud et tout. Ils ont dit... Évidemment, ils sont presque tous morts. Parce qu'après ne pas manger... 2 semaines, un petit peu de pain, un petit peu de l'eau, ils ont commencé à manger. Ils ont dit, en mangeant, ils sont déjà morts. Parce que le pain, il était juste sorti du four, il était chaud. En le mangeant, ça bloque le système. Et il a dit que c'était sa plus grande itkafia qu'il a jamais fait dans sa vie. C'est le seul qui s'est retenu, il n'a rien mangé. Wow. Et il a dit, l'odeur qu'il y avait du pain l'a rendu presque fou. Il a presque perdu toute sa tête à cause de ce... Parce que... Alors, ils ont mis la table pour les tuer. Hein? Ils ont mis la table pour les tuer. Oui, mais c'était des prisonniers. Mais non, eux, ce groupe-là, qu'ils étaient dans l'île, ça, ils l'ont fait pour cette raison. Maintenant, il passe 10 ans. Après 10 ans, il est condamné pour un an 10 ans. C'était atroce. En tout cas, c'est toute cette histoire. Le rabbi, à l'âge de 16 ans environ... Juste avant que cette personne a été emprisonnée, Rabbi Eliezer, il est venu visiter le père du rabbi, qui était à Dtrilislav, la ville en Russie, que son père c'était le rabbi de cette ville. Et il a passé un Shabbat chez eux, juste avant l'emprisonnement. Il était encore jeune. Alors, il a passé un Shabbat chez eux et pendant qu'il faisait la dracha, le père du rabbi, après la dracha, il demandait au rabbi de dire toutes les sources de où il a sorti la dracha. Et le rabbi parlait pendant 45 minutes, juste les sources. Alors ce Leizernanz, il a demandé pourquoi tu fais ça. Il dit les sources toi-même. Il dit tu ne comprends pas. La Bekiout, la connaissance de mon fils, qui était très jeune à ce temps-là, elle est Chobek et Olam, elle est grande comme le monde. Et quand lui il apporte des sources, ça me connecte à moi, hein, à des autres sources, dans la Gemara, des Midrashim, etc. Avant qu'il ait parti, ce Rabbi Eliezer de la maison du père du rabbi, il lui a dit de venir le voir, le père du rabbi, et il l'a amené dans la chambre du rabbi. Et le rabbi, c'est un, il est encore un jeune homme dans cela, dans ce, très très loin d'être un rabbi encore. Et il lui a dit, il a ouvert la porte et il a dit à Lézir, regarde le rabbi, regarde-le. Il a regardé et lui dit, ça va t'aider beaucoup dans le futur de ta vie. C'est tout. Combien de temps il devait le regarder? Non, il les a même pas vus parce qu'il avait le dos tourné, il était en train d'étudier. Le rabbi il était dans sa chambre, il était en train d'étudier, il a ouvert la porte. Il a sûrement même pas fait attention qu'ils ont ouvert la porte. Et il lui a dit juste, regarde-le, ça va t'aider dans ta vie. Et celui, il raconte cette histoire, que cette image lui est restée pendant tout ce temps d'emprisonnement. Qu'il était emprisonné. En tout cas, vous pouvez trouver ce livre, il est en français, en russe, en espagnol, en hébreu, en anglais, n'importe quelle langue. C'est... Ah, pour revenir à la Neshama Khadasha, Bon, retournons à Neshama Khadasha, on était en train de parler de ça. La Neshama Khadasha, le Dmor Hazaken, il dit quelque chose d'incroyable. Dans l'Ikutei Torah, hein, de Shir HaShirim, le Baal HaTanya, il dit comme ça. Neshama Khadasha, on sait très bien que tous les Neshamot, il vient de Adam Arishon, oui. Il y a des Neshamot qui viennent de la partie de la tête, parce que le peuple juif forme comme une seule Neshama. Il y a des Neshamot, comme le Zohar et le Kitva Rizal, il dit, il y a des Neshamot qui viennent de la tête. Oui, c'est les Racher Bnei Israël. Les Neshamot comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron, tous les Racher Bnei Israël. Et il y a des Neshamot qui viennent de la main droite, il y a des Neshamot qui vient de la main, etc., de tout le corps qui forme un corps. Il y a des Neshamot qui viennent des pieds, et ça c'est sûrement non Neshamot. Pourquoi? Non, je rigole pas, mais on dit c'est Igvete de Meshicha. Pourquoi on dit Igvete? C'est quoi hein? Igvete? C'est le talon. On vient, c'est les Neshamot qui se trouvent au talon, c'est les derniers Neshamot. Il n'y aura plus personne après. Mais non, tous les Neshamot du peuple juif sont inclus dans cette Neshama. À part une Neshama Khadasha. Oh. Il dit une Neshama Khadasha, c'est une Neshama qui n'est même pas inclue dans la Neshama de Adam Arishon. C'est des Neshama qui sont sortis au moment du péché, comme le Bachelet. C'est des Neshama qui sont. Ils sont jamais été créés. C'est des Neshama qui sont au-delà de Seder Ishtal Shelut. Nouvelle création. Nouvelle création. C'est une Neshama qui vont être révélées, c'est les Neshama, ils vont être révélés au temps de Mashiach, quand Mashiach va venir. Le restant des Neshamot Khadashot, c'est des Neshamot qui sont Shayar au temps de Mashiach. C'est pas des Neshamot qui sont Shayar de ce monde du tout. Quand vous dites révélées, c'est-à-dire elles sont là, mais elles ne sont pas révélées, ou alors elles vont naître à partir de... Ils vont naître à partir de Yemot HaMashiach. Ils vont venir dans ce monde. Et de temps en temps, il dit, dans chaque génération, il y a une Neshama Khadasha qui se trouve dans une... Une fois par, je sais pas, pourquoi, un millénaire. Pourquoi c'est comme ça? C'est des Neshamot spéciales. Non, pourquoi une fois de temps en temps ça vient dans le temps? Pour que Hachem. Continue. Le Khadesh. Pas juste le Khadesh, mais que si c'est que si Hachem, il a vu que c'est un temps, qu'on a besoin d'une Neshamot Khadasha dans ce temps-là, etc. Chaque temps, il y avait des Neshamot Khadashot. Wow. Ah, bref, une des raisons alors qu'il explique le Bnei Khadashot, que tandis que les Bnei Israël sont considérés une seule Neshama, oui, et quand ils sont unis ensemble, oui, ils sont connectés à leur source, à cette source, ils sont considérés une seule Neshama. Quand on va compter chaque individu séparément, on est en train de Chas v'Shalom créer une séparation entre le peuple juif, parce qu'on le compte chaque individu séparément, oui. C'est pour cela qu'il y a un issour, il explique, de compter le juif comme individu. Le juif, il symbolise exactement l'entité complète du peuple juif et pas juste comme un individu. Bien sûr qu'il y a l'individu en tant lui-même, mais la grandeur du juif, c'est quand ils sont unis. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, si vous regardez dans beaucoup de Sidorim, ils disent, avant la prière, on dit « Areni mekabel alay mizvet asesh laftala shakamokha ». Oui, parce que le Harizal, il dit que la prière du peuple juif est entendue quand il y a une unité entre le peuple juif. C'est pour ça qu'on dit, avant la prière, il faut le dire, Va'afta, Areni Balekabel, je viens prendre sur moi la mitzvah de m'aimer mon prochain comme j'aime tout le monde. Comme j'aime moi-même, oui. Comme ça, il y a une unité entre le peuple juif. Et ça, ce qui donne le chidouche du peuple juif. Maintenant, pour en finir avec ça, on voit aussi, par exemple, l'exemple que je voulais amener, j'ai trouvé que Shaul HaMelech, Shaul HaMelech, j'arrive pas à écrire mon écriture, j'avais écrit trop vite. Shaul HaMelech, quand il avait compté le peuple juif, aussi il avait fait un compte, il avait fait un recensement avec des outils, des petits verres ou des trucs comme ça, il comptait jamais le peuple juif. Tandis que David HaMelech, la Gemara rapporte là-bas qu'il avait fait un recensement du peuple juif, il y a 70 000 juifs qui sont morts. Et la Gemara, elle a toute une discussion là-bas, pourquoi est-ce que David, comment est-ce que David HaMelech, il a transgressé quelque chose qui est écrit clairement dans la Torah. C'était un grand tzaddik, David HaMelech, c'était pas n'importe qui, oui. Alors, la Gemara, il y a une opinion qui dit qu'il a oublié la halakha. David HaMelech, il a oublié la halakha. Et une autre opinion qui dit, c'est pas exactement que David HaMelech, il a oublié la halakha. Quand on compte, on fait un recensement du peuple juif sans avoir une bonne raison, pour une raison, David HaMelech, il avait compté le peuple juif parce qu'il était curieux de savoir combien de juifs il y a. Il a fait un recensement comme ça, pour aucune raison. Et c'est pour cela que ça a amené une plaie comme ça qui a tué 70 000. Maintenant, le Mefarchim, il dit c'est la même chose. Quand on veut, halachiquement, quand on veut compter le peuple juif, on ne veut pas compter avec en portant du doigt. Alors comment est-ce qu'on fait? Quand on veut compter un minyan, on utilise un verset. Vous connaissez ce verset? Roshia et Amera, Waratera, Mazemada, Olam. On ne fait jamais un compte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on ne peut pas faire un compte comme ça, il y a ceux-là qui disent même Bemarchava. Oui? Il y a une opinion intéressante qui dit il faut que tu comptes les nez. Ou les kippotes, ou les nez, ou les oreilles, je ne sais pas. Non, les oreilles, il y en a deux, alors il faut compter 20. Pour un minyan. Stam. Ou il y a ceux-là qui disent lo echad, lo shtaim, pas un, pas deux, pas trois. Mais tant qu'on ne compte pas. Maintenant, il y a aussi une halakha. Quand ils font en Israël, par exemple, un recensement de. Oui? De tout Israël. Combien de juifs y habitent en Israël? Il y a selon certains rabbinim décisionnaires qui disent on peut pas être mishtatef. On peut pas prendre un. Ah, comment ils font? Alors, ils disent que premièrement, en Eretz Israël, on compte aussi les non-juifs. Alors, quand on compte dans un camp, il y a un recensement avec les non-juifs, il n'y a pas cette limite de ne pas compter. Maintenant, aussi, quand ils font un recensement, ils ne comptent pas les personnes, ils comptent les noms. C'est-à-dire, ils ne comptent pas chaque personne, de 1 juif, 2 juifs, 3 juifs, 4 juifs, 5 juifs, 7 juifs. Oui, on compte les personnes qui se trouvent dans cette famille, par exemple. Il y a 6 personnes, 7 personnes, la famille, etc., c'est 7. Alors, on ne compte pas individuellement chaque personne. Après qu'on avait compté, quand il y a un compte, ce n'est pas interdit de dire combien, c'est quoi le compte. On va dire, si on compte 20 000 personnes, et 20 200 quelque chose, c'est pas interdit de dire le chiffre lui-même. C'est le compte lui-même qui a une interdiction. Ok. J'ai une question. Oui, vas-y. Le tzibour plus grand, on parlerait de quelque chose d'autre. Il y a les 10, mais pour faire quelque chose de kadosh dans le, avec tous les juifs qui sont sortis d'Égypte, est-ce qu'il y a un plus grand numéro pour faire descendre la shrina? Oui. Est-ce que c'est quoi, 20 000, 100 000, 2 millions, ou c'est rien que 10? C'est pas 10? Non, non. Autant quand ils ont fait ce recensement dans la paracha, oui. c'est il y avait beaucoup plus. Oui, je sais. Mais 100... est-ce qu'il y a un certain numéro qu'il doit avoir de personnes pour que la shérina descende? 10 personnes au moins. Mais dans le même cas, quand il y avait tout. En Israël qui sont sortis dans le désert. Est-ce qu'on avait besoin juste de 10 ou... Oui. Pour Ben, ça, pour le matin, ça dépend, c'est une bonne question. Ouais. Mais ça dépend, c'était quoi la chose elle-même. Pour le matin de Torah, on sait très bien que ça devait arriver, les commentaires ils disent, ça devait être arrivé à exactement ce chiffre pour que Hachem se révèle un matin de Torah. C'est 600, on avait dit, c'est 600, quoi 000. C'était plus que, voilà, 600, 3000. Ah, ok. Ouais, voilà, mais c'est 52. Hein, et 52, 520, quelque chose comme ça, c'était un numéro, pas 600 000 exactement. Et pour la Shrina, il parle pas de ça. Mais ça, c'est la Torah. Mais ça aussi, c'est de la Shrina. C'est une révélation. Une révélation que au matin de Torah, il y avait une révélation de la Shrina qui s'est trouvée. Maintenant, dans cette paracha, c'était après qu'ils ont construit le Mishkan. Après qu'ils ont fini de construire le Mishkan, maintenant Hachem, Asuni Mikdash, Veshachanti Betocham. Hachem, il a fait un Mishkan. Faites un Mishkan pour que je puisse résider dans ce Mishkan. Mais non, pour résider, on devait avoir un certain compte. C'est ça une des opinions qui dit, pour arriver à ce numéro. Parce qu'ils ont séparé les... Alors, je vais vous donner un devoir. Sans bon sens, je vais vous donner un devoir. Vous allez retourner à la maison, vous arrivez dans la paracha, et vous allez faire le compte de tout. Non, c'est écrit le compte. Okay. Rouven, ils étaient comme ça. Okay. Et Shion, ils étaient comme ça. Faites... Prenez une calculatrice et regardez exactement le chiffre qui arrive. C'était ça le chiffre qu'il y avait besoin pour, selon cette opinion, qui avait la Shekhina, qui réside. Mais dans les Pirkei Avot, on dit que la Shekhina, même s'il y a une personne avec elle, quand elle étudie, hein? On dit dans les Pirkei Avot, elle dit d'où on sait 10, d'où on sait 5, d'où on sait 3, c'est Shekhina Benem. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de 10 en fait. Non. Même si on est tous en train d'étudier, la Shekhina elle est là. C'est très bien, maintenant avec le dernier point que je voulais en retourner, que le bureau du rabbi, comment il explique, tu vas comprendre exactement ce que. C'est une très bonne question. Il y a un concept dans la halakha qui s'appelle d'avoir chez Binyan et no batel. Chose qui a une importance qu'on compte ne s'annule jamais. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire, quand on compte quelque chose, pourquoi est-ce qu'on compte quelque chose? Parce qu'il est important. Oui. Quand on compte, par exemple, je vais vous donner un exemple. Son argent. Hein? Son argent. Son argent. Ça, c'est ça. C'est important. On fait l'inventaire de son magasin. C'est sûr. Un inventaire. De son magasin. De son inventaire. Pourquoi on compte? Parce qu'il y a une importance de l'inventaire. Il y a, par exemple, quelque chose qui est d'avoir chez Ben Minyan, quelque chose qu'on vend par quantité. Comme des œufs, oui. Les œufs, on les vend par douzaine. Oui, on les vend par douzaine. Maintenant, quand il y a quelque chose qui est interdit, qui est mélangé avec quelque chose qui est permis, si on a une majorité, il s'annule. Ça ne s'applique pas quand c'est quelque chose qui est béminien. Pourquoi? Parce qu'il a une importance. On ne peut pas annuler quelque chose. À d'autres mots, la majorité ne peut pas annuler quelque chose qui a une importance de minyan. Parce que cette chose, elle a toujours une importance. Elle ne peut jamais être battelle, elle ne peut jamais être annulée. Parce que son entité, elle a toujours une importance. Alors si, par exemple, j'ai un œuf qui est interdit, qui est tombé dans je ne sais pas, des autres œufs, vous voyez, des milliers, jamais de battelle. Même s'il y en a 10 000. Parce que c'est d'abord chez Béminian. D'abord chez Béminian, il a une importance de la chose elle-même. Elle ne devient jamais annulée. Tandis que si j'avais un bout de taref, ou un bout de cochon, qui est tombé dans une marmite, il y a 60, il y a le rove, c'est fini. Parce que juste un bout de viande, il n'a pas cette entité d'importance d'abord chez Béminian. D'abord, chez Béminian, Eno Batel. Mais même l'œuf, s'il a plein d'œufs, qu'est-ce qu'il s'en fout d'un œuf? Non, mais tous les autres œufs, ils sont finis. Tu ne peux pas les manger. Pourquoi? Parce que chaque œuf, tu vas dire, voilà, il sourit, il est là. Ah, mais même. Ah, il est dans la viande, même pas. Hein? Et dans le cas de la viande, non? Dans la viande, non. C'est Batel. C'est Batel, parce qu'il n'a pas d'importance. Je donne un autre exemple. Pourquoi quelque chose, si j'ai quelque chose, une majorité, oui, elle annule quelque chose qui est une minorité? Parce que la minorité n'a pas d'importance vis-à-vis la majorité. Si j'ai une goutte de lait qui est tombée dans une marmite de viande, il y a une majorité de viande contre la minorité. Comment est-ce que tu me dis que c'est annulé? Mais il est là-bas. Parce que la minorité elle devient complètement annulée vis-à-vis de la majorité. Elle n'a plus d'importance. Ça se décompose, mais il est toujours là-bas. On s'en fout que ça se décompose, il est toujours là-bas. Mais il perd l'importance. Non, il perd l'importance. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'œuf, c'est d'abord chez Beminyan. Un œuf, d'habitude, on le vend par une douzaine, par un chiffre. Chaque chose qu'on vend par un chiffre, il prend une entité en lui-même et il a une certaine importance. Alors, si c'est un œuf, oui. Parce qu'il restait un œuf, il n'a pas été mélangé dans une blende, enfin, quelque chose comme ça, ou alors on peut pas le connaître. Voilà, c'est ça la différence. Alors, maintenant, si c'est, oui, c'est ça. Maintenant, si. Pas savoir où il est. Si l'œuf, par exemple, si c'est un œuf d'un volaille qui est. Non cachère. Oui. Alors, cet œuf, il a été mangé avec. Maintenant, c'est quel œuf? À moins que j'ai un signe, je le sors. Très bien, mais. Si je ne sais pas où est-ce qu'il est, chaque œuf, tu peux dire, voilà, le Issour, il est là, il est là. Ça, c'est juste. Ça veut dire que le compte lui-même donne un statut très fort à la chose à quoi on compte. Chaque chose qu'on compte devient importante. D'ailleurs, quand on compte quelque chose, comme on a compté le peuple juif, on n'a pas fait attention à qui est plus sage, qui est plus... qui est un statut plus grand, tout le monde est égaux. Oui, mais en les comptant, on leur a donné chacun une importance. Alors ça veut dire que la kamout, la quantité elle-même, elle crée, on va donner un exemple, elle crée une nouvelle entité. Ça veut dire que la quantité elle-même, elle peut créer une qualité dans la chose qui est comptée. Par exemple, comme le minyan lui-même, tant que c'est 10 personnes individuellement, comme monsieur avec Aksif il a dit, 10 personnes qui sont en train de prier chacun dans sa maison, c'est des entités. C'est des entités. Chacun individuellement. Oui. Quand ils vont venir ensemble, il y a la Shekhina. Ça veut dire que le compte lui-même, il crée une nouvelle entité de qualité qui peut amener la Shekhina que chaque individu en lui-même ne pouvait pas la créer. Okay. Oui, c'est pour ça aussi, bon, Birkat Amazon, quand il y a trois, on a créé un Zimoun. Quand il y a dix, on peut dans Birkat Amazon dire Baruch Elokeinu, puisqu'on ne peut pas le faire dans 8 ou 7 ou 8. Ça veut dire que la force de la quantité peut créer une nouvelle qualité. Oui, elle peut créer la qualité aussi. Oui, toujours il y a une question. Quantity over quality, ou quality over quantity, quantité ou qualité, qu'est-ce qui est mieux? Mais alors, comment comprendre que la Shekhina même elle réside, même si quelqu'un l'étudie tout seul, alors il devient une entité. Oui, Chazak, mais on sait très seulement bien. Dans l'étude Chazak, là, ça répond à ta question. Chaque c'est très bien que quand il y a trois, c'est un Zimoun, oui. Mais on ne peut pas dire le Sher Hashem. Non. Il y a une Shekhina là-bas. Oui. Mais 10, il y a un plus grand Shekhina. Ah, c'est-à-dire bien Shekhina. Sûr, il y a bien sûr le niveau de Shekhina. Okay, bien sûr, quand il y a 100 personnes, oui, quand il y a 100 personnes dans Birkat Amazon, on dit le Shem Havaya. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui prie seul. Baruch Hashem, Eloken, ou Shebarach, ou Michel. Ça veut dire par rapport à quand il y a 100 personnes. Quand il y a 1000 personnes. Oui, quand on voit des milliers de personnes, quand Rabbi Ovadia, Alav Shalom, il est décédé. Il y avait 800 000 personnes, tu aurais pu faire une bracha très spéciale quand tu vois une certaine quantité de peuple juif dans une place. Et une bracha spéciale pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, un autre niveau de Shekhina qui est en train de créer ici. Ça veut dire que le minyan lui-même, il est en train de créer une nouvelle entité de Kdusha ou de Shekhina. Que tu ne peux pas avoir si tu es seul. C'est ça. Alors, le rabbi, il dit exactement, là, il y a des gens que quand le rabbi est sorti avec beaucoup de miftarim, ils étaient très contre. Parce que Akash Bokho, il a besoin de robots qui mettent des tefilines, on attrape quelqu'un à la station d'autobus, on lui met des tefilines, il arrive. Shema Israël va à la maison. Le rabbi il dit que le minyan, on voit d'ici, que le minyan lui-même, même que c'est des juifs qui sont pas super élevés, on n'a pas besoin. Le minyan que chaque juif qui vient un peu plus près à la Torah, qui vient se rassembler entre le peuple juif et qui trouve une shayachut, une connexion au peuple juif, ça même, ça crée une nouvelle doucha. Chaque juif qui s'ajoute à se rapprocher plus à Hachem, de sa manière, le plus que de juifs qui se rapprochent, on crée une nouvelle entité de doucha dans le peuple juif, que ultimately, quand on dit qu'à la fin, il se peut amener à Biat HaMashiach. Alors, pour faire juste un résumé, ça veut dire que... C'est très fort. Chaque juif... Là, on comprend aussi l'importance de rapprocher chaque juif à la Torah. Ça veut dire que chaque juif... tous les jours aussi. Se rapprocher tous les jours. Le plus qu'on rapproche un autre juif, on se rapproche nous-mêmes. Ça même, ça ramène de la doucha dans le peuple juif, maintenant. Alors, ça veut dire, on peut pas dire, pour finir, qu'un juif qui prie seul, il a pas la Shekhina. Il a la Shekhina, mais pas aussi grande que si on était juif. Bien sûr, j'ai pas dit qu'il a la Shekhina. Premièrement, on a parlé de Tfila Betzibour. Oui, oui, bien sûr. La mala de Tfila Betzibour, c'est une autre chose. Alors, le point que je voulais dire, tu peux, Joël. La mala, le inyan de Tfila Betzibour. Si une personne, elle a besoin d'une bracha, Tfila Betzibour, c'est mieux qu'aller chez, je veux pas dire que c'est mieux que d'aller chez un tzadik, Chas V'Shalom. Mais Tfila Betzibour, quand une personne est prêt avec un tibour, là on peut demander ce qu'on veut. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. La 100% la Torah. Pourquoi on dit qu'un tzadik il a des forces? Il disait que les tzadikim, beaucoup de tzadikim ils priaient tout seuls. Pourquoi? Parce que le tibour chez eux c'était leur 10 kohot. Ils rassemblaient leurs 10 kohot. Nous, on n'a pas les forces de prier avec nous. Les 10 kohot qu'un juif il a, Chokma, Binadat, et tous les, et les rejoint tout seul. Un tzadik, il prie avec ses 10 kohot. Les 10 kohot du tzadik, c'est son tibour. Il a besoin d'un tibour, parce que ce que le tibour il fait, le tzadik le fait. Mais pour nous, une personne qui veut être, que Hachem lui répond, qui lui répond à sa prière, Tfila Betzibour. Alors, si maintenant on prie dans là, dans le Tzibour lui-même, mais il faut vraiment y croire, c'est pas juste des histoires. La Torah elle nous dit En akash bochum moez betfilatam shel Tzibour. Tu veux que Shalom te réponde? C'est là-bas, dans le Tzibour. Et si pas maintenant, besoin de. Tu sais, le rabbi, donc, beaucoup de fois, il disait les gens, ils cherchent des choses de beaucoup plus. Ah, la grandeur. C'est des petites choses. Et le rabbi, il disait toujours les gens ne font pas. La rabbi, il a le rabbi l'a dit des milliers de fois. Ce que je suis épaté, que les gens ils font pas attention aux petites choses, les petites questions et les petites choses, les gens ne font pas attention. Les grandes choses, tout le monde fait. Oui, le rabbi l'a dit les petites choses. Les petites choses, c'est Tfila Betzibour là-bas. Hachem nous répond. Zakou Barouh.